Ah, trop tôt. Non, trop tard. Trop vite. Ah, c'est ça. Perdu à travailler, perdu à exister, perdu à connaître le fait. Je traîne dans la rue et vis comme première. Juste le rêve, le peuple vient faire la terre. On m'a tout promis, mais le monde n'a pas changé. Et tout le monde dit, enfermé dans son fierté. D'un pour lui jeter, je n'ai plus rien dans le ventre. Je n'ai plus d'existence. Et je voulais mourir. Je dans la ronde. Je ne peux plus sortir. Bah, le bâton, la carotte. Je reste chez moi. Enfermé dans les sommes.